Maudite maison par Émile Gaboriau. Médisance ou calomnie, voilà des années qu'on dit pique-pendre des propriétaires. Il est temps d'essayer de les réhabiliter s'il se peut. En somme, de quoi les accuse-t-on? D'augmenter sans cesse et sans raison leur loyer. Eh bien, il en est un qui ne les augmente pas. Positivement, il existe en chair et en os. Donner son adresse serait facile. Voici son histoire. Le vicomte de B, un homme jeune, aimable, charmant, jouissait en paix d'une trentaine de mille livres de rente, lorsque dernièrement, il y a de cela 6 mois, son oncle, un avare de la pire espèce, mourut en lui laissant tout son bien, près de 2 millions. En parcourant les papiers de la succession, le vicomte de B constata qu'il se trouvait propriétaire d'une maison rue de la Victoire. Il constata aussi que ce magnifique immeuble, acheté 300 000 francs en 1849, rapportait quitte net d'impôts 82 000 francs par an. « Vrai, c'est trop, » pensa le généreux vicomte. « Mon oncle était aussi par trop dur. Loué à ce prix, c'est de l'usure. On ne saurait le nier. Quand on porte un grand nom comme le mien, on ne se livre pas à une pareille exploitation. Je veux, dès demain, diminuer mes loyers. » Et mes locataires me béniront. » Sur cette bonne pensée, le vicomte de B mande le portier de la maison en question. Ce portier se présente l'échine arrondie en cerceau. « Bernard, mon ami, » lui dit le vicomte, « vous allez de ma part prévenir tous vos locataires que j'ai diminué leur loyer d'un tiers. » Ce verbe, inouï, fantastique, diminué, tombe comme une tuile énorme sur la tête de Bernard. Mais il se remet vite. Il doit avoir mal entendu, mal compris. Diminuer ? Balbutie-t-il. Monsieur le vicomte daigne plaisanter. Diminuer ? C'est augmenter que monsieur veut dire. De ma vie, je n'ai parlé plus sérieusement, mon ami. J'ai dit, et je le répète, diminuer. Cette fois, le portier est à ce point surpris, étourdi, renversé, qu'il s'oublie, qu'il perd toute retenue. « Monsieur n'a pas réfléchi, » insiste-t-il. « Monsieur, dès ce soir, sera au regret. Diminuer des locataires. Cela ne s'est jamais vu et ne se verra plus jamais. Si cela vient à se savoir, que pensera-t-on de monsieur? Que dira-t-on dans le voisinage? Car enfin, il est clair. « Monsieur Bernard, » interrompit le vicomte, « j'aime quand j'ordonne à être obéi sans réplique. Vous m'avez entendu, allez. » C'est du pas chancelant d'un homme ivre que M. Bernard sortit de l'hôtel de son propriétaire. Toutes ses idées étaient renversées, bouleversées, confondues. N'était-il pas le jouet d'un songe, d'un ridicule cauchemar? Il en était à se demander s'il veillait ou s'il dormait. Diminuer ses loyers, pensait-il, c'est à n'y pas croire. Si encore les locataires se plaignaient! Mais ils ne se plaignent pas, au contraire. Tous bons payeurs. Ah, si défunt monsieur voit cela du fond de sa tombe, il doit être content. Son neveu devient fou, c'est sûr. Diminuer ses loyers. On devrait pourvoir ce jeune homme d'un conseil de famille. Il finira mal. Après cela, qui sait? Il avait peut-être trop bien déjeuné ce matin. Cet honorable Bernard était pâle d'émotion lorsqu'il rentra dans sa loge. Si pâle et si défait. Quand l'apercevant, sa femme et sa fille Amanda lui demandèrent en même temps « Qu'as-tu? Qu'y a-t-il ? » « Rien, » répondit-il d'une voix altérée. « Absolument rien. »« Tu me trompes, » insista Madame Bernard. « Voyons, parle, je suis forte. Que t'a dit le nouveau propriétaire? Songerait-il à nous remplacer? Si ce n'était que cela. Mais voyez-vous, il m'a dit de sa propre bouche, parlant à ma propre personne, il m'a dit « Oh, vous ne me croirez pas. » Parleras-tu? Vous le voulez? Eh bien, là, il m'a ordonné de prévenir tous les locataires qu'il les diminue d'un tiers. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Il les diminue. Mais ni madame ni mademoiselle Bernard n'entendaient, elle riait à se tordre. Diminuer, répétait-elle, à la bonne farce. C'est trop drôle en vérité, diminuer. Et mademoiselle Bernard, courant à son piano, car elle a un piano, en qualité d'élève du conservatoire, se mit à chanter le grand air de Verdi. « Étrange aventure, bizarre imposture, jamais, je le jure, on ne te croira, nous fais-tu l'injure ?» mais Bernard prétendait être pris au sérieux dans sa loge. Il se fâcha tout rouge, son épouse s'emporta et une querelle s'ensuivit. Madame Bernard accusait M. Bernard d'avoir pris cet ordre fantastique au fond d'un litre chez le marchand de vin du coin. Sans Mademoiselle Amanda, le couple en serait venu au cou. Tant et si bien que Madame Bernard, qui ne voulait pas en avoir le démenti, jeta son châle sur ses épaules et courut chez le propriétaire. Bernard avait dit vrai, elle ne le vit que trop. De ses deux oreilles ornées de pendants d'or, elle entendit le mot invraisemblable. Seulement, comme c'est une femme forte et prudente, elle demanda un mot écrit, voulant mettre sa responsabilité à couvert. Ce mot décrit, le propriétaire le lui octroya en riant. Elle aussi, elle rentra abasourdie, et toute la soirée, dans la loge, le père, la mère et la fille délibérèrent. Fallait-il obéir? Devait-on prévenir quelques parents du jeune homme dont la sagesse s'opposerait à tant de folie? Après mûre réflexion, il fut convenu qu'on obéirait. Le lendemain, Bernard, endossant sa plus belle lévite, fit sa tournée chez les 23 locataires annonçant la grande nouvelle. La minute après, la maison de la rue de la Victoire était dans un état d'agitation impossible à décrire. Des gens qui, depuis 4 ans qu'ils demeuraient sur le même palier, ne s'étaient pas honorés d'un coup de chapeau, s'abordèrent, se parlèrent. « Vous savez, monsieur, c'est bien extraordinaire. Dites que c'est inouï. » « Le propriétaire me diminue. » « D'un tiers, n'est-ce pas ? Moi aussi. » « C'est étourdissant. Il doit y avoir erreur. » En dépit des affirmations du couple Bernard, en dépit de l'ordre écrit, il se trouva des locataires Saint-Thomas qui doutèrent. Il y en eut 3 qui écrivirent au propriétaire pour le prévenir de ce qui se passait et l'avertir charitablement que son portier avait absolument perdu la raison. Le propriétaire répondit assez sceptique. Il confirmait le dire des Bernard. Impossible de douter désormais. Alors commencèrent les réflexions et les commentaires. Pourquoi le propriétaire diminue-t-il ses loyers? Oui, pourquoi? Quelles raisons, disait-on, font agir cet homme bizarre? Pour sûr, il doit avoir des motifs très graves. Un homme intelligent qui jouit de son bon sens ne se prive pas de bons gros revenus bien assurés pour le seul plaisir de s'en priver. On ne se conduit pas ainsi sans y être déterminé, contraint par des circonstances puissantes, terribles. Et chacun de répéter, il doit y avoir quelque chose là-dessous. Mais quoi? Du 1er au 6e, on cherchait, on supposait, on conjecturait, on se creusait la cervelle. Chaque locataire avait l'air préoccupé d'un homme qui veut à toute force déchiffrer un rébus impossible. Partout, on commença à être vaguement inquiet, comme il arrive quand on se trouve en présence d'un mystère. Quelques-uns hasardaient. « Cet homme doit avoir commis quelques grands crimes restés secrets. Le remords le pousse à la philanthropie. » Ce n'est pas gai de vivre ainsi côte à côte avec un scélérat, car enfin, il a beau se repentir, il y a des rechutes dans ces métiers-là. La maison est-elle bien solide? Se demandait-on d'autre part. Comme cela, tout juste. Elle n'est cependant pas très vieille. C'est vrai, mais il a fallu l'étançonner lorsqu'on a creusé l'égout l'année dernière au mois de mars. Quelques-uns supposaient que le danger venait de la toiture. D'autres prétendaient avoir de fortes raisons de croire qu'il se fabriquait de la fausse monnaie dans les caves, et prétendaient entendre parfois, la nuit, le bruit sourd et profond du balancier. On était d'avis au second qu'il devait loger quelques espions russes ou prussiens dans la maison. Le monsieur du premier inclinait à croire que le propriétaire se proposait à mettre sournoisement le feu à son immeuble, à la seule fin de tirer de grosses sommes des compagnies d'assurance, lesquels sont, chacun le sait, ravis de payer des sinistres. Puis il se passait, affirmait-on, des choses extraordinaires et même effrayantes. Au 6e, dans les mansardes, on entendait, paraît-il, des bruits étranges absolument inexplicables. Plusieurs assurèrent avoir vu des fantômes qui traînaient des chaînes par les escaliers. La bonne de la vieille demoiselle du 4e rencontra un soir, en allant voler du vin à la cave, le spectre de l'ancien propriétaire. Même, il tenait à la main une quittance de loyer. Et le refrain était « Il y a quelque chose là-dessous ». De l'inquiétude, on en était venu à la frayeur. De la frayeur, on passa vite à l'épouvante. Si bien que le monsieur du premier, qui avait des valeurs chez lui, donna congé par huissier. Bernard alla prévenir le propriétaire qui répondit « Eh bien qu'il s'en aille, cet imbécile !» Mais dès le lendemain, le pédicure du second, bien que n'ayant point à craindre pour ses valeurs, imita le monsieur du premier. Les rentiers du second et les petits ménages du cinquième suivirent bravement cet exemple. De ce moment, ce fut une déroute générale. À la fin de la semaine, tout le monde avait donné congé. Chacun s'attendait à quelque catastrophe épouvantable. On ne dormait plus, on organisa des patrouilles. Les domestiques terrifiés voulaient absolument quitter cette maudite maison. Ils demandaient pour rester qu'on triplât leur gage. Bernard n'était plus que l'ombre de lui-même. La fièvre de la peur l'avait maigri. Mademoiselle Bernard délaissa son piano. « Non, » répétait la portière à chaque congé nouveau, « non, ce n'est pas naturel. » Cependant, 23 écriteaux se balançant à la façade de la maison amenèrent des amateurs en quête d'un logement. Bernard, sans maugréer, montait les escaliers, faisait visiter les appartements. « Vous pouvez choisir, » disait-il aux gens qui se présentaient. « La maison entière est vacante. Tous les locataires ont donné congé en masse comme un seul homme. On ne sait rien au juste, mais il se passe des choses, oh, mais des choses. Un mystère, quoi, une histoire, comme on n'en a jamais vu. Pour tout dire, le propriétaire diminue les loyers. » Et les chalands venus pour louer s'enfuyaient, épouvantés. Le terme arriva. 23 voitures baillies emportèrent les meubles des 23 locataires. Tout le monde partit. Des fondations au comble, la maison resta vide. Les rats eux-mêmes, n'y trouvant plus à vivre, l'abandonnèrent. Seul le portier restait, verdissant de peur dans sa loge. Des visions effroyables hantaient ses nuits. Il lui semblait ouïr de lugubres hurlements. À certains murmures sinistres, ses dents claquaient de terreur et ses cheveux se dressaient à renverser son bonnet de coton. Madame Bernard ne fermait plus l'œil. Dans son effroi, Amanda, renonçant aux gloires du théâtre, épousa, rien que pour quitter la loge paternelle, un jeune perruquier qu'elle ne pouvait souffrir. Enfin, un matin, après une insomnie plus épouvantable que les autres, Bernard prit une grande résolution. Il alla trouver le propriétaire, lui rendit son cordon et déguerpit. Maintenant, si vous passez rue de la Victoire, vous verrez une maison abandonnée. C'est celle dont je viens de dire l'histoire. La poussière s'amasse sur les volets clos, l'herbe croît dans la cour. Nul locataire ne se présente plus, et dans le quartier, la maudite maison a une si funèbre réputation que les immeubles voisins en perdent quelque chose de leur valeur. Diminuez donc vos loyers. » Ainsi s'achève « Maudite maison » par Émile Gaboriau.